fait arrêter encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. La philosophie est quelque chose, mais la musique, monsieur, la musique. Maître de philosophie et maître de musique et maître à danser et maître d'armes, tous sont présents ce matin aux côtés de monsieur Jourdain, qui veut tellement en être qu'il s'y perd. Le bourgeois gentilhomme est une comédie-ballet créée par Molière en 1670 sur commande du roi Louis XIV, particulièrement féru du genre. On y rencontre monsieur Jourdain qui ne veut qu'une chose, agir en homme de qualité, c'est-à-dire comme le noble qu'il n'est pas. Alors comment passer de la bourgeoisie à la noblesse? Comment passer de la vie au jeu? Il y a du Bourdieu dans cette pièce, mais aussi l'essence de la comédie, née de la rencontre inédite entre monsieur Jourdain et Molière. Monsieur Molière, quelle joie de vous rencontrer. Mon notaire, monsieur Bonnefoy, m'assure que vous êtes un acteur de grand talent. Monsieur Bonnefoy est trop bon. C'est un homme en lequel j'ai toute confiance. Même si dans le cas précis, il me faut en juger par moi-même. Jouez-moi quelque chose. Plaît-il? Ben allez-y, jouez. Jouez. Vous vous moquez? Non, non, il faut bien que je puisse juger de vos capacités avant de vous engager. M'engager? Quels seraient les termes exacts du contrat que nous passerions? Monsieur Molière s'engage à préparer le sieur Jourdain en vue d'une prestation qu'il donnera devant la marquise dans le but d'attirer sur lui ses grâces. Pour ce faire, le sieur Molière transmettra au sieur Jourdain tout le contenu de ses connaissances dans le domaine des arts de la scène et du spectacle. Et le sieur Jourdain se pliera à tous les exercices nécessaires. Je veux être au sommet de la perfection. Bonjour Martial Poirson. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur d'histoire culturelle à l'Université Paris 8, commissaire de l'exposition Molière à Versailles. On vous doit plusieurs ouvrages sur Molière, La fabrique d'une gloire nationale contre vos seuils, une bande dessinée avec Rachid Marail au dessin, Molière du Saltabanque aux favoris aux éditions Dunod. C'est avec vous que nous allons parler du bourgeois gentilhomme ce matin. Alors, pièce de 1670, mais on commence par 2007, le film que vous venez d'entendre, l'extrait du film Molière, où on a une rencontre fictive entre Monsieur Jourdain et Molière. Oui, alors tout à fait. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'elle est totalement fantasmatique, puisque le principe de départ consiste à dire que ce serait une sorte de modèle de ce que deviendra Monsieur Jourdain qui sauve Molière de la prison pour dette en 1645. C'est le pitch du film. Or, on sait que, en fait, c'est le père de Molière lui-même qui a sorti son fils et qui a payé et qui a d'ailleurs pendant très longtemps fait un petit mémoire des dettes qu'il devait rembourser pour son fils. Donc ça, c'est faux. Mais en revanche, ce qui est très intéressant, et en particulier dans l'extrait que vous venez de citer, c'est la mise en place d'une sorte de personnage d'homme d'affaires. Le principe de ce film, c'est de montrer que Molière est un génial directeur de troupes, qu'il se relève très vite finalement de cette première faillite, qu'il part en province pendant des années pour se faire connaître et pour pouvoir revenir auréolé de prestige, et qu'il va jouer d'emblée, vous disiez Bourdieu tout à l'heure, effectivement, sur une stratégie de prestige, en fait, en se plaçant sous la protection des plus hauts dignitaires du royaume, un cousin du roi, plusieurs grands aristocrates de province, et l'extrait montre bien cette chose très particulière qui se joue dans l'échange entre un artiste et un homme fortuné, c'est-à-dire que l'un donne à l'autre sa protection, y compris sous sa forme pécuniaire, en échange de renommée. Et donc c'est tout l'enjeu de cette scène dont on montre très bien qu'elle est quasiment contractuelle finalement entre les deux hommes. Parce qu'il n'y a pas énormément de films où Molière entre en scène. Il y a l'indépassable Molière d'Ariane Nouchkin qu'on diffuse souvent ici, et pour cause, parce qu'il n'y en a pas beaucoup justement. Il y a celui-ci de Tirard, mais finalement il y a un décalage entre l'immense postérité de Molière et le caractère résolument contemporain de toutes ses pièces et la faible apparition de celui-ci dans d'autres médiums culturels que celui du théâtre. Oui, alors en fait, il apparaît assez tôt dans l'histoire du cinéma, puisqu'on a dès 1910 un film de Léonce Perret et Abel Gance, une sorte de film noir et blanc d'une quinzaine de minutes, absolument génial, puisqu'on y voit vraiment, en fait, en condensé toute la vie de Molière, y compris ce long temps de la vie de province, qui est en général un peu occulté de sa légende au profit des années parisiennes, mais en effet ensuite un grand blanc et des œuvres qui se concentrent essentiellement sur l'interprétation de son théâtre et beaucoup moins sur sa vie, à l'exception en effet de cet immense film d'Ariane Nouchkine, mais qui est aussi beau pour la légende qu'il a contribué à colporter que véritablement pour le rapport à Molière, puisqu'en fait, c'est l'histoire de la troupe du Théâtre du Soleil qui se raconte par identification à Molière. Et c'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs souvent dans le traitement par le cinéma. C'est pareil, là, on vient d'entendre Lucchini. Il y a un rapport d'identification, d'émulation dans cet autre grand film qui est Alceste ta bicyclette. Hein, on raconte finalement l'incapacité aujourd'hui pour un homme de théâtre, aussi génial soit-il, à véritablement rentrer dans les subtilités du personnage. Et Lucchini nous dit, en fait, ce qui est beau dans Molière, c'est son silence. Et sur le silence, on ne peut rien faire, hein, puisque voilà, il faut arriver à faire entendre le silence. Donc il y a comme ça une sorte de rapport un peu complexe avec le cinéma, qui effectivement n'a peut-être pas laissé la place qu'il aurait pu donner à Molière au regard de sa notoriété, et qui est toujours un peu dans un rapport de sublimation, finalement, avec cette matière. Et Molière, pour vous, Martial Poirson, c'est une grande partie de votre vie, j'ai l'impression. Alors, en tout cas, ces dernières années, oui, j'ai pas mal passé de temps avec ce personnage. Et ce que je trouve absolument génial chez Molière, c'est presque banal de le dire, mais c'est que plus on va dedans, plus on lit ses textes, plus on rentre dans les détails de sa vie, moins on a l'impression de le connaître, en fait. Il y a une sorte de dimension comme ça, très... voilà, déjà, il faut le débarrasser de toute sa légende, et en même temps, la légende est belle, et on voit bien que dans cette année de quadricentenaire, il y a une sorte de coupe psychologique du renoncement à la légende. On n'a pas envie de croire que cette fameuse scène que tout le monde raconte de Molière à la table du roi Louis XIV, partageant une cuisse de poulet, on sait parfaitement que c'est faux, on sait parfaitement que c'est impossible à imaginer dans le protocole de cour, et pourtant, certaines grandes fictions télévisées récentes reprennent ce qui est devenu une sorte de stéréotype. On a aussi envie de croire qu'il est mort sur scène, même si on sait que c'est pas le cas. On est assez intrigué par le fait qu'il ait pu qu'une partie de son œuvre ait pu être écrite par Corneille, ce qui est également faux. Mais là aussi, ça insiste sur une autre dimension, c'est que en fait, il y a tellement d'aspects dans cette œuvre, il y a tellement d'auteurs différents en fait entre la grosse farce et la comédie ballet dont on va parler probablement aujourd'hui. En vers et en musique, qu'on a l'impression qu'en fait, c'est pas le même homme qui a fait tout ça. Et effectivement, plus je rentrais pour les nécessités de cette exposition, notamment dans le personnage, plus je me prenais finalement à non pas croire à ces fictions, mais à comprendre pourquoi elles étaient aussi persistantes et pourquoi elles étaient charriées depuis des siècles par différents médias. Voilà qui est bien. Est-ce quelque chose de nouveau? Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé. Peut-on voir ce que c'est? Vous allez les entendre avec le dialogue quand il viendra. Il ne tardera guère. Ah, nos occupations à vous et à moi ne sont pas petites maintenant. Il est vrai. Nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Ah non, pas entièrement. Je voudrais pour lui qu'il se connût mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paye bien. Et c'est de quoi nos arts ont maintenant plus besoin que de toute autre chose. Pour moi, je vous l'avoue, je me repaise un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sauts, que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Il y a plaisir de m'en parler point, travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et par de chatouillantes approbations, vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paye mieux que cela de toutes nos fatigues. Et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. J'en demeure d'accord. Et je les goûte, comme vous. Il n'y a rien, assurément, qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures ne mettent point un homme à son aise. Il faut y mêler du solide. Et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons du bourgeois gentilhomme ce matin en compagnie de Martial Poirson. Vous venez d'entendre l'ouverture de cette pièce dans une mise en scène de Jean Meyer à la Comédie Française en 1953. Et alors bien sûr, on a dès le début la discussion entre le maître à danser et le maître à chantier qui consiste à présenter Monsieur Jourdain comme étant un mécène ridicule, on comprend tout de suite. Mais c'est aussi, voire surtout, d'emblée une discussion sur le goût. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant, d'être applaudi par quelqu'un qui comprend notre art ou d'être payé pour cet art, Martial Poirson? Oui, alors c'est là de nouveau, on retrouve Bourdieu. Hein, c'est est-ce qu'on va choisir le succès immédiat, c'est-à-dire flatter l'opinion d'un public dont on peut anticiper qu'il va apprécier telle ou telle chose, ou est-ce qu'on vise au contraire la réussite, c'est-à-dire en fait une notoriété durable, peut-être d'ailleurs posthume, et qui ne sera peut-être pas aussi rémunératrice. Donc est-ce qu'on cherche la gloire immédiate et sans doute fugace, ou est-ce qu'au contraire, on cherche la reconnaissance sur le long terme? Et puis ce qui est intéressant dans cette scène aussi, c'est qu'on comprend d'emblée que c'est pas seulement Jourdain qui va faire l'objet de la satire, c'est aussi tous les personnages. Et là, on a une géniale figure de parasite, artiste parasite, en fait, des artistes qui vivent au crochet de leurs généreux mécènes, qui se moquent en véritablement de savoir si leurs leçons vont être utiles ou non. Mmh. La métaphore de l'argent est constante dans cette scène. Il y a au moins 10 occurrences, la rente, l'argent, la paye. Donc on voit que, et c'est ça qui est très fort chez Molière, le personnage qui fait l'objet principal de la satire, puisqu'on est dans une comédie de caractère, donc il y a un personnage récurrent qui va être omniprésent sur scène, c'est Jourdain, interprété par Molière lui-même, avec une gamme, une palette de jeux absolument incroyable qui est signalée à chaque fois par tous ses contemporains. Et en même temps, tous les personnages satellites qui se trouvent autour, ce personnage de maître à chanter, de maître à danser, qui pourrait être tout à fait secondaire, deviennent également des personnages dominants, puisqu'en fait, il est question du rapport entre l'art et l'argent, du rapport entre l'artiste et son statut socio-économique qui est en train de se construire en plus à cette époque-là, dans lequel Molière a excellé, hein, puisqu'il a su jouer à peu près sur tous les registres possibles, depuis le mécénat privé jusqu'à la rente d'État d'une certaine façon avec sa fonction de favori du roi. Oui, Molière est concerné directement par cette histoire de financement des arts au fond. Oui, Molière est concerné directement et il nous fait comprendre que finalement l'alternative pour un artiste à l'époque, c'est soit le marché, et qui, ce qui revient justement à se prêter au goût du, supposé du public, justement, être dans un rapport mercantile à son art, où les instances publiques, les pouvoirs publics, ce qu'on n'appelle pas encore la subvention, hein, mais qui relève de ça, la rente, la pension, ce qu'on appelle l'artiste pensionné, et qui lui va pouvoir s'appuyer sur la générosité d'un prince ou d'un aristocrate dans un rapport d'échange, donc, entre rémunération et protection. Et donc, ce qui est très beau dans cette première scène, c'est qu'on voit que, et là, la phrase d'ailleurs qui vient d'être prononcée est tout à fait ambigu, hein. C'est un homme dont les lumières sont petites, mais son argent redresse les jugements de son esprit. Mmh. Ça veut dire en quelque sorte que finalement, puisqu'il est celui qui paye, c'est celui qui a une position dominante. Il a un rapport d'emprise sur ces artistes parasites qui sont des hôtes perpétuels, qui sont dans un rapport de patronage, qui vivent au crochet de ce personnage dans un théâtre qui est encore pas totalement professionnalisé. Donc c'est des personnages qui à la fois sont payés mais qui sont pas vraiment payés, qui sont gratifiés, qu'on va pouvoir remercier en les installant à table, en leur apportant le gîte et le couvert. Donc il y a un rapport très très ambigu où la relation d'argent est toujours sublimée. Mmh. On doit feindre de faire comme si on n'était pas là pour ça, et en même temps elle est complètement au fondement même de la relation. Et ce qui est beau dans cette scène, c'est qu'on va expliciter justement ce qui est toujours de l'ordre de l'implicite et que les artistes s'arrangent généralement pour taire. Donc, vous avez dit satire. De quoi la pièce se moque-t-elle, ou de quoi est-elle la satire? De la bourgeoisie ou des artistes ou du mécénat ou de quoi? En fait, elle est une satire généralisée. C'est ça qui est intéressant et ça amène à penser deux choses chez Molière. C'est que le personnage qui est l'objet principal de la satire n'est jamais complètement mauvais. Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a une philosophie fondamentale chez Jourdain qui est en fait la liberté du sujet. Jourdain, c'est celui qui, en termes très modernes, dit « par mon argent, je peux prétendre à un autre statut que celui que cette société de caste très verrouillée m'accorde, et donc je suis en mesure de me payer tout ce qui va me permettre d'accéder à un certain niveau de notoriété et de pouvoir. » Et ça, c'est très moderne, ça s'appelle la mobilité sociale, et c'est quelque chose qui est absolument honni dans ce siècle, ce grand siècle des trois ordres, ce grand siècle où la naissance conditionne l'ensemble de l'existence, où il est très difficile d'imaginer des transfuges qui sont considérés comme des traîtres à leur classe. Et donc, il va faire l'objet d'une véritable haine de classe, pendant toute la pièce, qui passe par l'humiliation, qui passe, là on vient de le voir, par la moquerie, qui passe par une forme de violence symbolique en fait, hein, qui est exercée contre lui, et par rapport à laquelle il fait toujours front. Alors on peut dire que c'est de l'aveuglement, on peut dire que c'est de la bêtise, on peut aussi dire que c'est de la détermination. C'est-à-dire c'est celui qui ne va pas se laisser contraindre dans sa volonté absolue de mobilité sociale et d'ascension, et qui va donc par extension rendre ridicule aussi la plupart des autres personnages, puisque que nous racontent ces aristocrates qui eux aussi vivent au crochet de celui qui paye, qu'ils sont également des parasites, qu'ils sont également des personnages qui finalement gravitent autour d'une fortune qu'ils n'ont plus, et en même temps qui refusent à ce personnage la notion de contrepartie. Ils veulent vivre de sa fortune sans lui apporter la dignité, la reconnaissance et l'estime à laquelle il cherche à prétendre. Donc tout le monde en prend pour son grade dans cette pièce, et c'est ce qui nous amène à penser que le rire de Molière, et c'est probablement pour ça qu'il continue à être aussi efficace, ouais, n'est jamais surplombant en fait. Il y a toujours une humanité des personnages, même les plus ridicules. Jourdain est un condensé d'humanité par sa vanité, par son aveuglement, par son obstination, qui fait que pour le spectateur, en particulier pour le spectateur d'aujourd'hui, il y a une proximité possible. Il y a une sorte de leçon finalement qui est donnée par cet énorme naufrage qu'il va vivre tout au long de la pièce. Dans les classements sociaux que nous opérons, quand nous mettons une cravate, nous ne mettons pas une cravate, quand nous mettons une cravate à poids, une cravate unie, quand nous achetons une Mercedes ou une deux chevaux, quand nous faisons du yoga ou du rugby, tous les choix que nous faisons, qui ordinairement sont imputés au goût et aux couleurs, enfin ce sont ces choses que l'on impute au fond à la nature. En fait, je pense que tous ces choix ont leurs principes dans la société et dépendent d'une part de notre formation, de notre éducation, de l'ancienneté de notre éducation, de notre milieu, de notre capital scolaire, etc. Si je tenais maintenant ce tailleur détestable, ce traître de tailleur, je... Ah, voilà. Les mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre avis. Allez, envoyez les bas de soie si étroites, j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre. Il y a déjà 2 mailles de rompus. Ils ne s'élargiront que trop. Ah oui, si je romps toujours des mailles. J'ai aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. Point du tout. Comment, point du tout? Non, ils ne vous blessent point. Je vous dis qu'il me blesse, moi! Vous vous imaginez cela? Je l'imagine! Je l'imagine parce que je le sens! Alors, voyez la belle raison! Tenez! Voilà le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Et je le donne en 6 coups aux tailleurs les plus éclairés. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis les fleurs en non pas? Vous ne m'avez pas dit que vous les vouliez en or? Est-ce qu'il faut dire cela? Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les fleurs en bas? Oui, monsieur. Ah, voilà qui est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non, non, non. Vous n'avez qu'à dire. Non, non, non, non, non, vous avez bien fait, vous dites. Croyez-vous que l'habit m'aille bien? Belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. Ah. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Ah, ah. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Quand Pierre Bourdieu rencontre Monsieur Jourdain, Pierre Bourdieu était au micro de Bernard Pivot en 1979, il expliquait que le choix de vestimentaire, le choix de la cravate, qu'elle soit à poids ou non, est le résultat d'un déterminisme et d'un certain capital scolaire aussi, en disait-il. De l'autre, Monsieur Jourdain, dans la scène 5 du deuxième acte du Bourgeois gentilhomme de Molière, se fait convaincre par son tailleur que les fleurs, il faut les porter vers le bas, et donc c'est une sorte de renversement total des codes vestimentaires auxquels Monsieur Jourdain est habitué. Martial Poirson, on a là une mise en miroir qui fonctionne très bien et qui va dans le sens de ce que vous disiez. Au fond, Monsieur Jourdain, c'est celui qui va réussir à sortir d'un certain déterminisme. Oui, absolument, et on le voit bien dans cette scène à travers la perplexité qu'il manifeste à l'égard de cette excentricité proposée par son tailleur. Alors, n'oublions pas que Molière lui-même était fils de marchand tapissier, également valet tapissier de la chambre du roi, donc la question des textiles, ça le connaît. Ouais. Que un an avant la pièce, il y a un édit très important sur les draps imposé par Colbert et qui veut justement réglementer la forme et la taille des tissus. Donc il y a un effet d'écho pour le spectateur de l'époque qui est très important. Et que Jourdain lui-même est drapier. Hein, donc cette question, elle est tout à fait centrale et elle permet effectivement de moquer la question de l'étiquette, la question des lois somptuaires, la question de cet ancien régime où il faut avoir arboré des signes ostensibles de prestige social et où l'habit est un marqueur social, à la fois dans une logique d'imitation, hein, il faut imiter les classes supérieures pour pouvoir leur ressembler à dessein d'être admises par elles, faire partie de ceux qui maîtrisent le code, et il faut éviter le fashion crime, hein, il faut éviter la faute de goût qui va faire que justement on va trahir ses origines. Il y a des très belles pages de Bourdieu qui lui-même l'a vécu d'ailleurs à titre personnel là-dessus. Et en même temps, donc, le rôle de ces élites, c'est de repousser toujours les limites de cette imitation, de se différencier et donc de créer sans cesse des barrières nouvelles à l'entrée de ces parvenus de la culture dans les codes qui sont les leurs. Et donc on voit très bien dans cette scène que Jourdain, là encore, en fait, a tout compris, qu'il va se prêter au jeu dans la fin de la scène, si c'est le moyen de réussir, pourquoi pas les fleurs à l'envers, mais qu'il est absolument pas dupe, en fait, et qu'il est donc un outil dramaturgique d'analyse critique, en fait, de ce qui est en train de naître à l'époque, c'est-à-dire le système de la mode, le système de la consommation ostentatoire, cette façon dont on va inventer indéfiniment des moyens de pouvoir à la fois trahir ou au contraire marquer ses origines. Oui, mais vous dites qu'il n'est pas dupe, il est quand même un peu dupe. Dans cette scène et dans d'autres, on se moque ouvertement de lui. À la fin de la pièce, il aura fait ce cheminement qui fait qu'il pourra se libérer de ce qu'il emprisonnait jusque-là. Mais enfin, on passe quand même toute la pièce à... Il est moqué par tout le monde et on se moque de lui. Et le spectateur a presque de la tendresse, de la pitié pour lui parce que justement, il est l'objet de la risée de permanente. Oui, mais il est l'objet de la risée pour une raison tout à fait estimable. C'est-à-dire qu'il est obsédé par son désir de changement de condition, par son projet d'ascension sociale. Il est extrêmement déterminé, il est pragmatique, hein, ce qui est une des caractéristiques de la culture bourgeoise de l'époque. Il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et puis s'il faut justement adopter des codes vestimentaires que lui-même juge, on le voit bien dans cette scène, comme ridicule, ce qui veut dire que c'est pas son goût qui est en cause en fait, c'est plutôt son incapacité à échapper aux règles du jeu social de son temps. Et donc je trouve que dans cette scène en particulier, tout le monde en prend pour son grade et que ceux-là même qui le manipulent et qui de nouveau font œuvre de stratèges et de parasites à des fins de promotion personnelle sont aussi finalement victimes de ce regard dont la naïveté est tout à fait feinte et dont le bon sens finalement transpire. Et un autre personnage intéressant dans la pièce, c'est Madame Jourdain. Madame Jourdain, c'est le bon sens populaire dans toute sa dignité, dans toute sa beauté, qui va du début à la fin, pour le coup, pas changer de discours. Hein, non, en disant, mais justement, elle dit de Monsieur Jourdain qu'il est dupe. Elle dit, mais tu vous... Elle dit qu'il est dupe et elle dit que on peut jamais gagner contre la violence de classe et que si on fait une mésalliance ou si on cherche à avoir, ce qui est le cas de Jourdain, des amours avec une comtesse, donc au-dessus de sa condition, eh bien, on va se retrouver dans une situation d'humiliation. Ce qui est d'ailleurs l'objet de deux autres, en fait, c'est intéressant parce qu'à cette époque-là, on sait que Molière est travaillé par ce thème, puisqu'il a fait quand même en 68 pour le grand divertissement de la paix d'Aix-la-Chapelle, Georges Dandin. Et Georges Dandin, c'est déjà l'histoire d'un paysan parvenu qui se marie avec une aristocrate, les Sottenville. Donc là, le titre est quand même tout à fait emblématique, voilà, hein, de la portée satirique. Et qui va se retrouver littéralement à la porte de chez lui alors qu'il veut dénoncer les infidélités de sa femme. On a un an plus tard, à Chambord, en 69, Monsieur de Pourceaugnac, où cette fois-ci, c'est un avocat de province qui monte à Paris, un personnage pré-balzacien, en quelque sorte, un peu à la Rastignac, et qui veut réussir, et qui lui aussi va se heurter à cette espèce de tir de barrage de toute la société de son temps, qui s'oppose très très farouchement à ce que... Alors, en plus, lui, il cumule les handicaps, il est provincial, il est avocat, donc petite condition même parmi la bourgeoisie, et il va finir par devoir se déguiser en femme pour échapper à la prison pour dette. Hein. Donc il y a au moins trois pièces à deux années d'intervalle qui traitent de cette question, avec toujours la même tendresse, avec toujours la même compassion finalement pour des personnages, que ce soit Dandin, que ce soit Pourceaugnac, que ce soit Jourdain, qui sont littéralement torturé sur scène, en fait, au sens oui. symbolique du terme, en fait. Il y a une violence sociale qui est quasiment à nu, et dont d'ailleurs, un siècle plus tard, des Marivaux et des Beaumarchais seront tirés aussi le meilleur parti. Donc là, c'est vraiment, vraiment la partie la plus satire sociale oui. nue, en fait, de l'œuvre de Molière, probablement. Et c'est d'autant plus fort que ça se fait dans une comédie-ballet. C'est d'ailleurs avec Le Bourgeois Gentilhomme que le terme comédie-ballet apparaît pour la première fois dans l'édition de la pièce. Et donc un genre qui est dédié à la cour, au plaisir du roi, et qui s'inscrit dans les grandes fêtes et divertissements de la cour. Donc il y a une ironie suprême finalement à faire rire les aristocrates de leur propre incapacité à penser l'arrivée ouais. de cette société qui est en train de se transformer, qui est en train d'évoluer vers davantage de mobilité, et cette bourgeoisie dont les prétentions, là aussi, un siècle plus tard, vont faire trembler le régime. C'est toute la question, est-ce que le public rit, enfin de quoi rit le public qui assiste à une pièce de Molière, et pourquoi, selon Dario Fo, que vous allez entendre dans un instant, bien finalement le rire est peut-être moins spontané que face à d'autres pièces écrites par d'autres dramaturges. Écoutez-le, c'était en 1987. Mmh. Il y a une extraordinaire histoire sur Molière, non ? Il y a le roi Soleil qui parle avec le ministre de l'Intérieur. Et lui, il demande, mais comment est-ce que ça arrive ? Il y avait un comique foiré qui s'appelait Balio, un nom comme ça, qui était aussi dur, le fait de l'ironie, de la blague contre le personnage. Ils n'ont jamais cherché de lui faire de violence. Et sur Molière, il ne peut pas ouvrir la bouche, que tout de suite, ils sont contre, ils cherchent à lui tuer, ils blasphèment, l'insultent, il me vient à demander de l'emprisonner. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous voyez, Majesté, lorsqu'on va voir le comique de la foirée, et la gens rigole, et il dit, ah, c'était formidable, il est fort. Et tous sont convaincus qu'il est en train de faire la rigolade, faire l'ironie, la satire, contre les autres. Mais quand on va écouter Molière, tout le monde, chacun, il est bien convaincu qu'on parle de lui-même. Et voilà, c'est peut-être pour cela que Molière met aussi mal à l'aise. C'est passionnant d'essayer de définir de quel type de rire il s'agit quand on parle des pièces de Molière, Marcel Poisson. Vous êtes d'accord avec ce que dit Dario Fo ? Oui, tout à fait. C'est ça qui est fascinant chez Molière, c'est qu'il arrive à faire rire toutes les classes de la société. C'est ce que d'ailleurs, bien plus tard, Jean Villard reconnaîtra en disant, voilà, à Avignon, quand on joue du Molière, tout le monde rit ensemble, de l'ouvrier jusqu'au cadre, c'est merveilleux, puisqu'il y a une sorte de communion par le rire, alors qu'en fait, il est réellement en train de se moquer d'un certain nombre de personnages, que tout le monde en prend pour son grade, mais voilà. Et le pari de Molière dans des pièces comme les comédies-ballets, c'est justement d'arriver à faire rire les aristocrates de leur propre travers. Alors, c'est pas si difficile que ça à l'époque, puisque l'aristocratie, elle est habitée par la culture galante de l'époque, hein, qui est la grande culture mondaine des salons, où il est de bon ton de pratiquer l'autodérision. Donc l'autodérision fait partie quasiment de l'éthos de l'aristocrate. C'est même un signe de sa supériorité d'être capable de se moquer de lui-même par rapport justement au bourgeois qui est aveuglé par sa condition. Donc Molière joue à plein sur cette convention culturelle de l'époque. Il y a également le ressort de la vanité, et ça c'est ce que racontent les chroniqueurs de l'époque en disant les aristocrates y rient parce qu'ils ont toujours l'impression qu'on se moque de leur petit camarade qui est à côté d'eux et que c'est pas eux qui sont en cause, mais celui, le voisin en quelque sorte. Et ça on le voit très bien aussi dans les nombreux récits et témoignages qui sont faits de son théâtre. Et puis il y a surtout, et c'est ce que montre très bien Dario Fo, un rire de connivence avec Louis XIV qui voit dans Molière, non pas forcément un porte-parole, ça serait excessif, mais en tout cas un théâtre qui est un espace de permissivité qui permet de dire des choses que lui pense aussi très intimement. Hein, faut pas oublier quand même que Molière meurt quand Louis XIV est encore un jeune roi de danse et de chant, un jeune roi de plaisir et d'amour, et que donc il voit dans le théâtre de Molière l'expression des codes de la galanterie que lui-même ne peut pas revendiquer de par sa position, mais qu'il vit et qu'il croit très profondément. Hein, donc il y a une connivence entre Louis XIV et Molière qui permet à ce théâtre d'être extrêmement audacieux, d'aller à la limite de l'insolence. Il y a d'ailleurs un témoignage assez amusant en 1664. Il y a la Petite Académie. La Petite Académie, c'est l'équivalent de ce que serait aujourd'hui l'agence de communication du président, en fait, en gros. Hein. C'est donc un bureau qui veille à ce que l'image du roi soit valorisée par les artistes pensionnés, à ce que aucune parole subversive n'émarge. Et quand Molière est déclaré meilleur auteur comique de son temps, cette Petite Académie fait une petite note en disant « C'est très bien, c'est manifestement un des plus grands artistes de son temps, mais il faut quand même se méfier d'une chose, c'est quand même sa tendance à une certaine irrévérence, une certaine bouffonnerie, quelque chose qui pourrait aller quand même du côté de une forme de moquerie. Et donc c'est notifié. Et le roi fait fi de ça, parce que le roi sait que la relation très particulière qui s'est nouée entre deux, de par ce mécénat princier, le protège d'une certaine façon. Mais pourtant, certaines pièces de Molière ont parfois été interdites, enfin... Alors, en fait, assez peu, finalement. Il y a eu cette sinistre querelle autour du Tartuffe qui a duré 5 ans, mais dont on voit très bien, justement, que le roi est obligé d'interdire Tartuffe en 1664, au moment de la première représentation, de la première version de la pièce, beaucoup plus radicale que celle qu'on connaît aujourd'hui, et jouée, en plus, à Versailles. Donc là, l'Église réagit très fort, lui rappelle qu'il est quand même un monarque absolu de droit divin, et que donc, il est redevable à l'Église catholique d'une partie de son autorité, et que donc, il serait de bon ton qu'il interdise la pièce. Mais en fait, on a des témoignages qui montrent que le Tartuffe, dans cette première version, continue d'être joué en privé, ah oui, pour les Happy Few, dans le cercle de la cour et le premier cercle des aristocrates fidèles, c'est-à-dire des gens qui sont capables justement de décrypter le message, qui ne vont pas prendre ombrage de ce qui pourrait être considéré comme... une critique de l'Église catholique, et voilà, elle va continuer à circuler. Et puis ensuite, le roi, l'année même où il interdit Tartuffe, va quand même accorder une pension exceptionnelle à Molière et faire de sa troupe la troupe des comédiens du roi. Hein, donc, et donc la querelle avec Lully, c'est aussi un mythe? Alors la querelle avec Lully, c'est beaucoup plus tard, c'est pas complètement un mythe, mais là de nouveau, Lully intrigue pour récupérer le privilège sur la musique, ce qui de fait interdit à Molière de jouer des pièces qu'ils ont créées ensemble, qui sont donc des comédies en musique, les fameuses comédies ballets. Mais Molière va directement intercéder en sa propre faveur et va obtenir une dérogation. Et donc le privilège ne s'appliquera qu'après la mort de Molière. Et c'est là que Lully va vraiment récupérer le monopole sur l'Académie royale de musique. Donc on voit bien qu'en fait, à chaque fois, il arrive à négocier en sous-main et à sortir son épingle du jeu. Ce qui traduit en fait le fait que Molière est une pièce maîtresse dans la politique de grandeur et de prestige mise en place par un roi qui a parfaitement compris qu'on peut être un grand chef de guerre, qu'on peut être le roi victorieux qui a réussi à défaire à peu près tous les pays autour. On ne restera au regard de l'histoire que par l'art et les artistes. Et de ce point de vue-là, il a très bien réussi son pari, hein, puisque c'est à ce titre qu'on parle encore de lui aujourd'hui. Donc il a vraiment cette clairvoyance de comprendre que c'est les artistes qui vont garantir la postérité sur le long terme, la notoriété durable, même de celui qu'on considérait à l'époque comme le plus grand roi du monde. Alors les arts, dans le bourgeois gentilhomme, on l'a vu, hein, il y a le maître à danser, le maître de musique, on a aussi le maître d'armes, on a le maître de philosophie, car la philosophie, le mot en tout cas, se retrouve dans quasiment toutes les pièces de Molière et à plusieurs reprises. Et dans le bourgeois gentilhomme, le maître de philosophie donne une leçon, non pas de métaphysique, mais une leçon de phonétique. Il apprend Monsieur Jourdain à parler. All right, Eliza, say it again. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Didn't I say that? No, Eliza, you didn't say that. You didn't even say that. Now, repeat that after me. In Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. In Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Oh, no, no, no. Ha! Hee! Oh! Hee! Oh! C'est admirable! Hee! Oh! Hee! Oh! Oh! L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. O. O. O. O. Vous avez raison. O. Oh! La belle chose que de savoir quelque chose. Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Mais est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. D. D. Da. Da. Oui. Ah, les belles choses, les belles choses. L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre du dessous. F. F. F. Fa. Fa. Fa. Oh, c'est la vérité. Oh, mon père et ma mère, que je vous veux mal. Oh, oh, oh. Go on, go on, go on. Et oui, de la comédie ballet à la comédie musicale. Il y a un lien aussi entre Monsieur Jourdain et Eliza Doolittle dans le film de George Cukor, My Fair Lady, qui date de 1964, dans lequel donc ce personnage, au par Audrey Hepburn, apprend à parler. On lui apprend, là aussi c'est une question de classe et de distinction, on lui apprend à lisser son discours et son accent de manière à avoir l'air plus élégante, à appartenir à l'upper class, la classe autre que la classe ouvrière à laquelle elle appartient. Monsieur Jourdain ici donc reçoit des cours de phonétique, de diction par le maître de philosophie. Simplement ici, on voit bien que l'enjeu principal, c'est surtout et d'abord de le ridiculiser sur scène devant le public qui ne peut que rire, voire compatir devant ce personnage qui hennit comme un qui braie comme un âne d'ailleurs, l'âne braie, en essayant d'articuler des voyelles, Martial Poisson. Oui, alors de nouveau, on est dans un aspect très bourdieusien, puisque quand même, hein, quelle belle chose que de savoir quelque chose traduit de la part de Jourdain, de nouveau, une forme d'appétence, une forme de, en termes bourdieusiens, de bonne volonté culturelle. Hein, il a effectivement, il doit faire des efforts pour assimiler ce qui vient naturellement à d'autres. Naturellement, Bourdieu l'a montré, ça n'a rien naturel, c'est simplement par imprégnation, par bain, par milieu culturel. Donc lui doit faire un effort, doit faire preuve de mérite pour accéder à ces codes qui sont considérés comme des éléments de distinction pour les hautes classes. Donc là, de nouveau, on peut voir dans la satire une dimension parfaitement réversible, puisqu'il est ridicule, on est dans la franche bouffonnerie, il y a une dimension très organique, effectivement, dans cette profération, cette déclamation qui tourne comme ça à l'onomatopée, et en même temps, ça raconte effectivement quelque chose sur ce que les Anglais ont très bien compris, d'ailleurs, hein, en Angleterre, on est l'accent est un marqueur social, et dès les premiers mots qu'on prononce, on sait exactement à quelle catégorie, ouais, quel milieu et quelle origine vous appartenez. Donc il y a de nouveau une grande violence dans l'identification immédiate de ces signes ostensibles d'appartenance sociale. Il y a également chez Jourdain quand même la conscience du fait que pour arriver à cette position dominante, il doit maîtriser ces codes-là, et que ça c'est un effort, et que pour lui ça va être un travail. Et il y a aussi, alors de façon indirecte, et comme toujours chez Molière, un débat philosophique, puisque un an avant Le Bourgeois Gentilhomme, on a la publication du Discours physique de la parole, qui nous vient d'un disciple infidèle de Descartes, et qui repose cette question du rapport entre l'âme et le corps à travers le langage, en fait. Si l'âme et le corps sont dissociés, si la perspective dualiste est fondée, alors comment expliquer que l'esprit commande aux organes, plutôt à la bouche pour pouvoir proférer une parole. Et donc, ce traité dit finalement, il y a quelque chose quand même d'assez étrange, puisqu'il n'y a aucun lien direct entre la phonétique des mots et la signification. Donc il est presque saussurien avant la lettre, c'est l'arbitraire du signe finalement. Et à partir du moment où il n'y a aucun lien direct entre l'un et l'autre, bah, il faut supposer une relation occasionnelle entre l'âme et le corps. Donc un lien en fait qui dépasse cette perspective dualiste et qui permet au langage d'exister. Donc ça c'est quand même potentiellement une vraie contestation du cartésianisme, et qui vient là comme ça au milieu de cette franche bouffonnerie, au milieu de cette tranche de rigolade, et qui quand même est un des débats philosophiques, ouais, les plus sérieux de l'époque, puisque c'est la question des causes occasionnelles. C'est ça, c'est un débat philosophique de l'époque qui n'est pas initié par le maître de philosophie qui en prend beaucoup pour son grade. Il faut quand même le dire que dans cette pièce, tous les maîtres à chanter, maîtres de musique, maîtres de philosophie sont extrêmement moqués, et on a clairement une critique de la part de Molière de l'appareil qui est en place, et sans doute des savants de la Sorbonne qui avaient, aux yeux de Molière, n'avaient pas très bonne réputation. Oui, il y a une ligne continue chez Molière, je crois, quel que soit le type de pièce, qu'il s'agisse de critiquer les médecins, c'est-à-dire en fait les doctes, hein, de la faculté de médecine, à un moment où la médecine n'est pas encore la médecine expérimentale qu'on connaît, donc est vraiment un énoncé dogmatique. Les religieux, mais là aussi pas les religieux, les dévots, ceux qui font usage de la religion pour abuser de la crédulité du peuple. Et là, donc maintenant, ce maître de philosophie, qui est un représentant d'un discours d'autorité, hein, tous ces discours d'autorité sont moqués par Molière comme des façons de faire violence au peuple, d'abuser de sa crédulité, d'imposer une relation de pouvoir qui passe par ce savoir dévoyé et par le caractère dogmatique finalement de ces énoncés. Donc là, ce personnage du maître de philosophie qui est tout à fait ridicule et sur laquelle, selon moi, dans cette scène finalement, on pourrait presque dire que Jourdain prend l'ascendant, puisque c'est lui qui est dans le juste de la philosophie, en fait. C'est lui qui a compris qu'il y a quand même un problème, voire une contradiction logique, en fait, dans ce qui lui est présenté. Et c'est lui qui revient, finalement, de nouveau, hein, par sa truculence, par sa nature de personnage de pur désir, en fait, mais aussi de libidociendi, d'appétit pour le savoir, qui revient, finalement, peut-être à quelque chose de beaucoup plus fondamental et de beaucoup plus humain. Donc, c'est le personnage qui humanise le savoir dans cette scène. Mais ça veut dire qu'aux yeux de Molière, toutes les figures, enfin aucune figure d'autorité ne trouve grâce à ses yeux. Bah oui, on peut le dire, et à commencer par, alors qu'il s'agisse d'ailleurs de la sphère publique, hein, celle qu'on vient d'énoncer, donc les grands prêcheurs, les grands garants d'une parole officielle, ou en privé, voire le sort qui est fait de façon quasi systématique au père de famille. Mmh. Molière a très bien compris que le père de famille, c'est le maillon fort de l'équilibre des pouvoirs d'Ancien Régime, puisqu'il est le représentant de l'autorité du roi dans son foyer, dans la sphère domestique. Domestiques comprenant d'ailleurs les domestiques, les serviteurs, un personnage très important aussi dans le théâtre de Molière, et le roi lui-même tenant son autorité de Dieu. Donc mettre le père en défaut, ce qui est le cas d'ailleurs de Jourdain. Jourdain, c'est un père qui veut marier sa fille à quelqu'un qui est au-dessus de son rang. Oui, parce qu'il y a quand même une intrigue dans la pièce dont on va parler. Oui, voilà, en fait qui est totalement secondaire. Ouais. Il y a quasiment pas, c'est une pièce quasiment post-dramatique avant la lettre, puisqu'il ne se passe pour ainsi dire rien. On a une succession de ces cinq maîtres qui donnent lieu à des situations de fiasco, mais on a quand même derrière tout ça l'intrigue amoureuse, qui est toujours la même chez Molière, ouais. Deux jeunes gens qui s'aiment en dehors de toute convention sociale et qui sont en but au mariage pacte de famille, au mariage d'alliance stratégique que leur imposent les pères, avec, alors c'est variable selon les pièces, mais là en tout cas, on a plutôt une réticence de Madame Jourdain, très très farouche d'ailleurs, qui est vraiment le personnage fort de la pièce, à dévoyer les amours de sa fille pour pouvoir nourrir les ambitions d'ascension sociale de son père, enfin du mari en fait. Donc cette intrigue qui est derrière montre là aussi une mise en échec de cette stratégie matrimoniale du père de famille qui est censé agir de raison, qui est censé agir conformément à l'intérêt de son foyer et qui va faire preuve d'un très grand aveuglement comme à peu près tous les personnages de père. Alors généralement, c'est la peur du cocuage, ça peut être différents ressorts, mais en tout cas, toujours quelque chose qui vient saper la structure fondamentale de cette autorité. Et ça, c'est de nouveau une chose très moderne, puisqu'aujourd'hui, on ne fait que parler de la question du patriarcat, de la question de l'emprise, des schémas de pensée que ce modèle a imposé jusqu'à nos jours et les conséquences que ça peut avoir et sur les rapports parents-enfants et sur les rapports amoureux et sur les rapports au sein du couple. Mariage, trucage du mariage, philosophie, musique, comédie, ballet, etc. Quand soudain entre en scène un Turc, un grand Turc, un Koviel déguisé en Turc. La Turquie fait irruption au sein de la pièce et à la scène 3 de l'acte 4 que vous allez entendre, vous allez voir comment Koviel déguisé en Turc va annoncer à Monsieur Jourdain que le fils du grand Turc veut épouser sa fille. Alors forcément Monsieur Jourdain n'en revient pas et donc ce personnage Koviel va inventer un langage aux consonances turques et quand même Monsieur Jourdain va finir intronisé en fameux Mamamouchi. On semble être en plein délire alors qu'au contraire c'est peut-être là où on est le plus réaliste. Écoutez. Vous savez que le fils du grand Turc est ici? Moi? Non. Comment? Il a un train tout à fait magnifique et tout le monde le va voir. Il a été reçu ici comme un seigneur d'importance. Oh, ma foi, je ne le savais pas. Ce qui est avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc? Oui, et il veut être votre gendre. Mon gendre? Le fils du grand Turc. Le fils du grand Turc, votre gendre. Comme je le fus voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi. Et après quelques autres discours, il me dit: Axiom fonctionnerum shalom ustav gidelom amanahem parahini usherek albulat. C'est-à-dire: n'as-tu point vu une jeune belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien? Le fils du grand Turc dit cela de moi? Oui. Comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille. Ah, me dit-il. Marababa sahem. C'est-à-dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Marababa sahem veut dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Oui. Voilà une langue admirable que ce Turc. Enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi. C'est une certaine grande dignité dans son pays. Mamamouchi? Oui, Mamamouchi. C'est-à-dire en notre langue, paladin. Hein? Paladin, ce sont de ces anciens... paladin, enfin. Il n'y a rien de plus noble que cela dans le monde et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Le fils du grand Turc m'honore beaucoup et je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remerciements. Le voilà qui va venir ici. Il va venir ici? Oui, et il amène toute chose pour la cérémonie de votre dignité. Oh, voilà qui est bien prompt. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah est Père. C'est qui ça? Tazir, tazir, tazir, se non tazir, tazir, tazir, tazir, tazir. Mistar moftiti, mistar ti, mistar moftiti, mistar ti, ti, mistar ti. Non intendir, tazir, tazir, non intendir, tazir, tazir, tazir, tazir. France Culture. Les chemins de la philosophie. Adèle Van Vliet. Et donc toujours l'adaptation et la mise en scène par Jean Meyer à la Comédie Française de 1953 avec Louis Seignier dans le rôle de Monsieur Jourdain et Robert Manuel dans le rôle de Coviel. Martial Poisson, que diable la Turquie vient-elle faire dans cette pièce? C'est la géniale invention de la comédie-ballet qui est vraiment un exercice de mécano. On arrive à la fin du troisième acte à l'époque. Ensuite, ça a été en cinq actes sous sa forme écrite. Mais donc, il faut préparer le grand divertissement final qui va être le ballet des nations qu'en fait, Lully et Molière avaient déjà prévu pour une autre pièce qui n'a pas pu être jouée et qu'ils veulent recycler à ce moment-là. Et donc, il va falloir introduire subtilement le thème exotique et en même temps arriver à dénouer l'intrigue. Et donc, Molière et Lully imaginent cette scène d'intronisation qui va permettre, d'une façon totalement bouffonne et parodique à Jourdain d'accéder à son souhait, c'est-à-dire l'anoblissement suprême par le mariage de sa fille à un haut dignitaire turc. Donc on résout l'intrigue, on prépare, on offre un prétexte à la musique et aux danses qui vont suivre, et en même temps on est sur un terrain où Molière est absolument génial puisqu'il invente une langue, hein, ce Mamamouchi, c'est un mot d'invention, oui, comme ça. La plupart d'ailleurs des termes arabisants, alors ce qui est assez fabuleux. On a entendu un peu Allah au début, voilà. Là, du chant. Alors évidemment il y a quelques mots qui rappellent, mais en même temps c'est mélangé à des tas de sonorités qui finalement imitent la langue arabe mais qui n'ont rien à voir. Donc on est vraiment dans la supercherie de langage dans laquelle Molière excelle, qu'il s'agisse d'imiter l'accent limousin ou les accents régionaux. On est également dans un terrain de familiarité pour les spectateurs de l'époque, puisque la turquerie est un genre dramatique en vogue depuis déjà au moins un demi-siècle. Les personnages de Turcs apparaissent très usuellement dans les ballets, dans les entrées de ballets, dans les divertissements, mais d'une façon qui reste purement ornementale. Et donc ce qui est intéressant là dans cette scène, c'est que tout à coup, cette petite touche exotique qui permet d'imaginer un ailleurs fantasmé, en fait remplit une nécessité fonctionnelle dans l'intrigue, puisque c'est celle qui va permettre de régler les choses et d'apurer les comptes, en accordant à Jourdain cette promotion, tout en immédiatement lui retirant, puisque la scène qui suit, c'est une scène de bastonnade, où il va être puni pour, d'une certaine façon, son péché d'orgueil. Et ce qui est fabuleux dans cette scène, c'est que cette cérémonie, elle est à la fois l'évocation de l'adoubement du chevalier, de l'adoubement du paladin. Elle est également l'évocation de l'ordination des prêtres, de la conversion du croyant, puisque quand même ce Jourdain, on lui demande de se convertir à la religion musulmane et d'aller en Palestine faire la guerre. Donc très moderne pour l'époque. Hein. Et donc il y a une sorte de parodie d'à peu près tous les rites de passage possibles. On peut y voir aussi une dimension maçonnique avec l'initiation, etc. Donc on est vraiment dans un théâtre qui va singer un certain nombre de rites performatifs, c'est-à-dire qui changent l'état de la personne qui les vit. Il n'est plus le même à partir du moment où les paroles magiques ont été proférées. Et en même temps, donc, on est dans cette supercherie suprême, puisque tout le monde sait à l'époque, et en particulier le public de la cour qui assiste à la première version de la pièce, qu'il est impossible pour un bourgeois, fût-il fortuné, d'être anobli, puisque pour être anobli, il faut avoir rempli un certain nombre d'étapes, posséder un fief, puisque la noblesse, c'est d'abord la terre, la propriété foncière, territoriale à l'époque, qui est le socle même et le fondement même de l'aristocratie. Il faut avoir plusieurs quartiers de noblesse, donc un certain nombre d'ascendants qui font partie déjà de cette caste à laquelle Jourdain prétend. Et enfin, si on y accède par la richesse, il faut avoir cessé toute activité lucrative. C'est-à-dire les raisons mêmes qui ont fait la richesse, qui permettent de prétendre à la noblesse, doivent être abolies au moment où on accède à ce statut, puisque sinon, on déroge à la règle fondamentale de l'aristocratie, qui est l'interdiction de travailler. Donc là, il y a un décodage en fait par les spectateurs de l'époque. Il y a un enjeu géopolitique aussi, non ? Il y a quand même une visite de l'ambassadeur turc. Non, c'est pas l'ambassadeur. Alors justement, c'est tout l'objet de la question, c'est qu'en fait, le problème de départ de la pièce et qui correspond à la commande du roi, c'est un incident diplomatique majeur, puisque Louis XIV est en bon terme avec l'Empire ottoman, la Grande Porte, pour des raisons commerciales, mais obligé en fait par le pape de se rallier à l'alliance qui va protéger en particulier l'Autriche après le siège de Vienne et la Hongrie. Donc il se rallie militairement aux puissances ennemies du Grand Turc, ce qui du coup conduit à l'emprisonnement de l'ambassade de France en Turquie. Et à la suite de cet incident, les choses se dénouent, les deux potentats vont se rallier, mais donc le Grand Turc envoie un émissaire dont on ne sait pas pendant plusieurs mois. Il débarque à Toulon et puis il attend plusieurs mois d'être reçu par le roi à Saint-Germain-en-Laye. Et pendant tout ce temps de latence, en fait, on ne sait pas très bien quel est le statut honorifique de ce personnage. Si bien que quand Louis XIV le reçoit à Saint-Germain-en-Laye, eh bien, de façon tout à fait délibérée, il lui accorde le protocole minimal, ayant un doute, en fait, sur sa fonction. Donc, c'est perçu comme une sorte de manquement justement à la dignité de cet émissaire, qui s'en offusque, ça va faire le tour des gazettes mondaines de l'époque, le roi s'en amuse à la cour et demande à Molière justement de croquer ironiquement cet épisode de vexation symbolique d'un représentant d'une puissance dont on ne sait pas très bien justement si elle est alliée ou ennemie à ce moment-là. Et voilà, ça c'est le sujet même de la pièce. Donc un incident diplomatique, une querelle d'étiquette et... Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le cœur même du sujet, puisque ce Jourdain, on vient de le voir pendant toute l'émission, justement, essaye de ramer pour pouvoir arriver à adopter les codes qui lui permettraient d'être reconnu comme un des leurs par cette classe sociale dont qu'il brigue. Donc il y a une sorte de solidarité organique entre le sujet de la pièce, les circonstances dans lesquelles elle a été commandée par le roi et la réception qu'on en attend devant ce public qui est parfaitement informé à l'époque des histoires un peu nébuleuses pour nous aujourd'hui que je vous raconte, mais qui vraiment font le buzz à ce moment-là et sont un élément tout à fait important de la façon dont va être reçue cette pièce. Oui, enfin nébuleux, pas du tout, au contraire, je suis frappée encore plus à la fin de cette émission par l'étonnante similarité des contextes, celui de Molière et celui d'aujourd'hui, qui fait que cette pièce fonctionne exactement de la même façon aujourd'hui. C'est vraiment troublant. Merci beaucoup, Martial Poisson, d'être venu nous en parler ce matin. C'était un plaisir de discuter avec vous. Je renvoie à votre bande dessinée illustrée par Rachid Marat et Molière, du Saltimbanque aux Favoris, aux éditions Dunod. Votre livre, La fabrique d'une gloire nationale, Molière, aux éditions du Seuil. Et puis donc, vous êtes commissaire de l'exposition Molière à Versailles, que l'on peut aller visiter, donc non pas au château, donc qui lui va être un peu occupé ces prochains jours. Donc on peut aller visiter l'exposition Molière, c'est ça ? Au musée de la ville, oui. Voilà, très bien, on mettra toutes les informations en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. On se quitte avec La Bourgeoisie, c'est beau La Bourgeoisie, c'est Disco Beach. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne, c'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm a crazy, I'm just fond of you. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps d'accueillir Frédéric Worms pour sa chronique quotidienne de philosophie, le pourquoi du comment. Comment répartir les pouvoirs ? Le problème du pouvoir est inséparable en réalité de celui de la liberté et même de l'égalité. En fait, on peut dire que le problème du pouvoir commence avec celui de la liberté. Si on suppose que des différences naturelles entre les humains justifient le pouvoir des uns sur les autres, alors il n'y aura évidemment aucun problème du pouvoir. Le pouvoir sera simplement l'accomplissement de cette différence naturelle, ou bien même, pour certains, l'accomplissement d'un simple rapport de force qui suffirait à justifier le pouvoir. Mais l'on voit bien que cette confusion du pouvoir avec la force rencontre un petit obstacle. Ce petit obstacle, c'est notre sentiment d'un abus de pouvoir. C'est donc le sentiment de la liberté et de l'égalité entre les humains qui pose le problème du rapport de force des uns envers les autres, du rapport de pouvoir proprement dit, de la légitimité de l'action des uns sur les autres et de la domination des uns sur les autres. Ce problème est donc inséparable de celui de la liberté et de l'égalité, mais évidemment aussi d'un autre problème qui est l'organisation de la société, car les libertés égales des citoyens doivent pourtant permettre aussi une organisation de la société politique qui est prise comme un tout et dont le premier bien à répartir entre les citoyens est justement le commandement, la légitimité des uns à demander aux autres de faire quelque chose. Tel est donc véritablement le problème politique du pouvoir dans une société d'êtres libres et égaux, le problème qu'on peut dire aussi magnifique, le beau problème de la démocratie. Ce problème de la justification est donc aussi celui de la répartition du pouvoir. Il a été réglé en 3 ou au moins en 4 temps dans les théories modernes de la démocratie. Il y a d'abord, bien entendu, les théories du contrat social, qui sont au fondement, en réalité, des constitutions politiques de nos sociétés. Le contrat social, c'est l'acte par lequel on répartit d'abord le pouvoir en le déléguant à une autorité d'ensemble qui ne vaut pourtant que par cette délégation initiale dont le vote est d'abord le vote d'une constitution, est la première trace dans nos sociétés concrètes. Ça n'est donc pas seulement une fiction philosophique, bien entendu. Mais le contrat, la constitution, n'est pas la seule manière de répartir les pouvoirs. On s'est très vite aperçu, en réalité, que cette constitution ne pouvait évidemment pas mener à un seul pouvoir, un pouvoir absolu. Il faut au contraire la répartition des pouvoirs dans différents domaines. C'est ce que Montesquieu avait appelé la séparation des pouvoirs. Et il faut aussi le contrôle des pouvoirs par des contre-pouvoirs. Ainsi, le problème du pluriel, le problème de la répartition des pouvoirs est au cœur de la question politique de la justice et de la démocratie. Alors, pour en revenir aussi à une répartition en retour, le fait que le pouvoir politique n'est pas seulement issu des pouvoirs que nous leur déléguons une fois pour toutes, que nous lui déléguons une fois pour toutes, mais nous redonne à chacun des pouvoirs. Au fond, le problème du pouvoir, le but de résoudre le problème du pouvoir, c'est d'arriver à partager nos capacités d'agir pour qu'elles nous reviennent démultipliées à chacun. Ce sera cela le critère de la justice, finalement la répartition des pouvoirs à chacun dans nos sociétés et dans nos vies. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique Le Pourquoi du Comment est à retrouver en ligne et à télécharger, à podcaster grâce notamment à l'application Radio France. Un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Thaïs Éloi Hammer en compagnie de Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Léla Bozès, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette émission, cette série d'émissions sur Molière, Hugo Renard à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de notre série Molière. Demain, nous serons en compagnie de Francis Huster et nous parlerons du Misanthrope. Quel programme d'ailleurs, j'en profite pour vous encourager à aller voir les mises en scène des pièces, une dizaine de pièces de Molière par la Comédie française en ce moment jusqu'au mois de juin, jusqu'au 25 juillet prochain. Vous pouvez voir l'extraordinaire Malade imaginaire dont nous parlerons jeudi, L'avare, Les fourberies de Scapin, Le bourgeois gentilhomme. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la Comédie française. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.